Sharh Sunnah de l'imam al-Barbahari. Et ainsi de suite. Donc, il vise par le terme Sunnah ici ce qui est synonyme de aqidah, ce qui est synonyme de dogme. Na'am. Quant à l'utilisation du terme Sunnah, dans le hadith de l'Irbad ibn Sariya, elle vise la religion dans son ensemble. Elle vise la religion dans son ensemble. Et dans ce sens-là, l'imam al-Barbahari a dit dans chaque Sunnah qu'on a mentionné il y a quelques instants, il a dit « Sachez que l'islam c'est la Sunnah et que la Sunnah c'est l'islam et aucun des deux ne peut être effectif sans l'autre. » Na'am. Cela explique... Allez, si j'ai... Hassan, allez. Je faisais des échos un peu. Là, laisse-le, mais juste, je le mets là parce que ça faisait des échos, on aurait dit. Na'am. Ce que l'on vient d'exposer, ça explique le fait que le Coran, il n'ait pas été mentionné par le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dans ses quelques recommandations qu'il a données à ses compagnons et qui nous ont été relatées par Al-Irbad ibn Sariya. Je vous rappelle donc qu'il a dit « Cramponnez-vous donc à ma sunna et à celle de mes califes bien guidés. Mordez-la à pleines dents. » Il n'a donc pas mentionné le Coran. Et le fait que le terme sunna ici, il vise la religion dans son ensemble, il explique le fait que le Coran n'ait pas été mentionné. Car le fait de mentionner la sunna, ça contient inévitablement le fait de faire référence au Coran. D'ailleurs, il a été rapporté que certains salafs disaient le livre, en visant le Coran, ils disent le livre, ou le livre d'Allah, ça vise le Coran, la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, le livre a plus besoin de la sunna que la sunna n'a besoin du livre. La sunna tranche à propos du livre, alors que le livre ne tranche pas à propos de la sunna. Tels sont les propos de certains parmi les salafs, les pieux prédécesseurs de cette communauté. Quant à l'imam Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah ta'ala, lorsqu'il fut questionné à propos de cette parole, il répondit « Je ne me permettrai pas de dire cela, mais disons plutôt que la sunna explique le livre, expose ce qu'il contient et clarifie ce qui y est mentionné. » Après avoir abordé le cramponnement à la sunna, en guise de commentaire de la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, « Cramponnez-vous donc à ma sunna », on aborde maintenant le fait qu'il est dit « et la sunna de mes califes bien guidés ». Ce qui nous amène à un second point relatif à l'observance de la compréhension et de la pratique des pieux prédécesseurs, salaf al-salih. À leur tête, les califes bien guidés que sont Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali, radiyallahu anhum, qu'Allah les agrée. Et on retrouve l'obligation d'observer la compréhension et la pratique des pieux prédécesseurs. De manière générale, à leur tête, les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et à la tête de ces derniers, les quatre califes du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, que nous venons de citer, Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali, dans plusieurs textes du Coran et de la Sunna, notamment la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Les tout premiers parmi les émigrés et les auxiliaires. Les émigrés, ce sont ceux qui ont émigré de la Mecque jusqu'à Médine. Et les auxiliaires, ce sont Al-Ansar, ceux qui les ont accueillis, qui ont accueilli le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam parmi les habitants de Médine, et ceux qui les ont suivis dans l'excellence. Allah les agrée et il l'agrée, et il a préparé pour eux des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux où ils demeureront éternellement. Voilà l'énorme succès. Ibn Qudama a dit dans son livre intitulé Dham al-Ta'wil, que vous voyez ici, Dham al-Ta'wil, le blâme de l'interprétation mauvaise, il a dit de même, quiconque suit un imam dans ce bas monde, que ce soit dans une sunna ou dans une innovation, dans une bid'a, donc on va voir que le terme bid'a c'est l'inverse du terme sunna, Donc Ibn Qudama a dit, de même, quiconque suit un imam dans ce bas monde, que ce soit dans une sunna ou une innovation, dans le bien ou dans le mal, sera avec lui dans l'au-delà. Que celui qui aimerait donc être avec les prédécesseurs, les plus prédécesseurs, dans l'au-delà, et que lui soit promis ce qu'il aurait été promis comme paradis et agrément, les suivent donc avec excellence. Quant à celui qui suit autre que leur chemin, il sera alors inclus dans la généralité de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Et quiconque fait scission d'avec le messager après que le droit chemin lui soit apparu et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination! Et c'est ainsi que se terminent les propos et la citation coranique de l'imam Ibn Qudama al-Maqdisi rahimahullah ta'ala. En se rendant compte que le suivi des pieux prédécesseurs nous est obligatoire par ordre d'Allah. Et sois attentif en ça, barakallahu fik, par ordre d'Allah. Na'am, non pas comme certains ont pu le prétendre à cause de notre faible niveau de compréhension. Certains gens, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, en vérité, si jamais il nous est obligatoire de suivre la compréhension des pieux prédécesseurs, c'est uniquement du fait que nous avons un faible niveau de compréhension. Et le fait d'avancer cela, ça revient à ouvrir la porte à certaines personnes qui seraient imbues de leur propre personne et qui penseraient avoir la capacité de comprendre les textes indépendamment de la compréhension des salafs, ce qui les mènerait à la perte. Si tu viens et que tu prétends qu'en vérité, il n'est obligatoire de suivre la compréhension des pieux prédécesseurs uniquement à cause du faible niveau général de compréhension, tu es en train d'ouvrir la porte à une personne qui considérerait que quant à elle, elle a la capacité de comprendre indépendamment de la compréhension des pieux prédécesseurs. Et tu lui ouvres ainsi une porte vers l'égarement. Wal'iyadhu billah. D'ailleurs, celui qui parcourra les livres des ulama se rendra compte que parfois, les ulama rejettent certains avis tout en reconnaissant qu'ils sont forts, du simple fait qu'aucun savant parmi les anciens ne l'a adopté. Naam. D'ailleurs, l'imam Ahmed disait, méfie-toi de tout avis dans lequel tu n'aurais aucun imam qui t'a précédé. Méfie-toi de tout avis dans lequel tu n'aurais aucun imam qui t'a précédé. Donc retiens bien ça, barakallahu fik. Le fait qu'il nous soit obligatoire d'observer la compréhension et la pratique des pieux prédécesseurs de cette communauté, c'est un ordre et une obligation qui est effectif par ordre d'Allah avant tout. De plus, le hadith d'Al-Irbad ibn Sariya ainsi que les quelques versets mentionnés, ils sont une réponse au fait de dire, et c'est là une autre ambiguïté soulevé par certains, au fait de dire que nous suivons le Coran et la Sunna en nous inspirant de la compréhension des salafs. Ces personnes, qu'est-ce qu'elles disent? Donc ça ressemble, na'am, à la vérité, ça ressemble au discours des adeptes de la Sunna. Les adeptes de la Sunna, qu'est-ce qu'ils me disent? Nous suivons le Coran et la Sunna selon la compréhension des pieux prédécesseurs. Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils me disent? Nous suivons le Coran et la Sunna en nous inspirant de la compréhension des peuples prédécesseurs. Naam, ça a l'apparence de la vérité, ça ressemble à la vérité, mais c'est du faux. Selon la compréhension des peuples prédécesseurs, pas uniquement en t'inspirant. Car le fait de dire nous nous inspirons uniquement de la compréhension des peuples prédécesseurs, ça veut dire qu'en vérité, tu viens avec ta compréhension et tu t'inspires un peu comme ça de la compréhension des prédécesseurs. Non. Reviens au verset de surat al-Tawbah, les tout premiers croyants parmi les émigrés, les auxiliaires et ceux qui les ont suivis dans l'excellence et pas ceux qui se sont inspirés d'eux. Na'am. Et quiconque fait scission d'avec le messager, dans l'autre verset qu'on a mentionné, après que le droit chemin lui soit apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants. Regarde ici la menace. et rappelle-toi du hadith que nous tentons d'étudier ensemble aujourd'hui, le hadith de l'Irbad ibn Sariya. Qu'est-ce qu'il a dit? Cramponnez-vous donc à ma sunna et à la sunna des califes bien guidés après moi, mordez-la à pleines dents. Regarde comme il a insisté. Ce qu'il a dit, inspirez-vous de la compréhension et de la pratique des pieux prédécesseurs. Ce n'est pas le simple fait de s'inspirer qui est demandé, mais bien et bien de suivre avec excellence, comme tu le retrouves dans le verset de la sourate le repentir que nous avons mentionné. Le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait dit mordez-la à pleines dents, après avoir mentionné ces deux sunnas, indique qu'elles ne font qu'une. Si tu reviens quelque peu sur la parole du prophète alayhi salatu wa salam, tu te rends compte qu'est-ce qu'il a dit? Na'am. Fa'alaykum bi sunnati. Cramponnez-vous donc à ma sunna. Wa sunnati al-khulafa ar-rashidina al-mahdiyyin. Et à la sunna des califes bien guidés. Tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajid. Mordez-la à pleines dents. Donc il a mentionné deux sunnas. Sa sunna et à la sunna de ses califes bien guidés. Deux sunnas. Et après il a dit 'addu 'alayha. Ici le pronom ha il renvoie à une seule sunna. Ce qui indique que, comme l'a expliqué Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, qu'en vérité ces deux sunnas là ne forment qu'une seule et même sunna. Et c'est là un enseignement très important. Cela nous mène à affirmer que la fidélité à la sunna passe inévitablement par le fait d'être fidèle à ses adeptes, à leur tête les ulama, à leur tête les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et à la tête de ces derniers les califes bien guidés du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a en effet indiqué ici que de la même manière qu'il incombe à l'individu de connaître la vérité, il lui incombe de connaître ses adeptes. Il lui incombe de connaître ses adeptes. C'est d'ailleurs là une grande cause de salut. Et l'histoire témoigne que bon nombre de salaf firent sauver des pièges de l'égarement du fait de leur fidélité aux ulama de la sunna. Ibn Asbat, Yusuf ibn al-Asbat a raconté l'épreuve qu'il vécut au sein de sa famille et de quelle manière il en fut sauvé. Yusuf ibn al-Asbat, il fait partie des salafs, de nos pieux prédécesseurs. En effet, il se trouvait dans une famille baignant dans le qadar. Quand on dit ici le qadar, c'est-à-dire l'innovation du qadar, l'innovation del qadariya, qui se sont égarés en matière de destin, dans le sujet du destin. Ils se sont égarés en ayant une conception erronée du décret d'Allah et de sa prédestination. Donc il était dans une famille baignant dans le qadar et des oncles touchés par Al-Irja. Al-Irja, c'est une autre innovation très grave. Al-Irja, c'est le fait, de manière brève, d'exclure les actes de la définition de la foi. La foi chez les adeptes de la sunna, c'est une croyance du cœur, une parole avec la langue, des actes avec les membres. Ça augmente par l'obéissance à Allah et ça diminue par la désobéissance à Allah. Quant aux Mourdi'a, qui sont divisés eux-mêmes en plusieurs groupes, certains étant plus graves que d'autres, ils considèrent, et c'est ce qui les réunit, que les actes ne font pas partie de la définition de la foi. C'est là une innovation très grave. Une innovation qui est venue s'opposer à l'innovation des Khawarij, qui eux se sont égarés et qui sont partis dans l'autre extrême. Na'am. Et eux, que les Khawarij, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont considéré que la foi, c'est une croyance du cœur, une parole avec la langue, des actes avec les membres. Par contre, ils ont considéré que la foi est seule et unique et que donc elle n'est pas menée à augmenter et à diminuer. Et ces deux extrêmes-là sont blâmables. Tu dois te tenir dans un juste milieu. نعم ولا تغلو في شيء من الأمر واقتصد كلا طرفي قصد الأمور ذميم. Et n'exagère en rien dans ton affaire et sois pondéré. Car les deux extrêmes dans l'histoire sont à jamais blâmés. Tu te dois donc d'être dans un juste milieu. Tu veux connaître le juste milieu? Sois fidèle à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et ne tombe pas dans ces extrêmes-là. Comme le disait le fils de Abu Daoud, rahimahullah ta'ala, وَلَا تَعْتَقِدْ رَأْيَ الْخَوَارِيجِ إِنَّهُ مَقَالٌ لِمَنْ يَهْوَاهُ يُرْدِي وَيَفْضَحُ وَلَا تَكُ مُرْجِعًا لَعُوبًا بِدِينِهِ أَلَا إِنَّمَا الْمُرْجِيُ بِالدِّينِ يَمْزَحُ. En substance ici, Ibn Abi Daoud a dit dans sa Haïya, rahimahullah ta'ala, il n'adopte pas la doctrine des Khawarij, car c'est là une doctrine adoptée par des personnes qui sont emplies de passion et qui cherchent à humilier. Et ne sois pas non plus Murji, qui joue avec sa religion. Ne te rends-tu donc pas compte que le Murji ne fait que jouer? Tu te dois donc d'être dans un juste milieu. Ibn Asbat, il a été éprouvé, il s'est retrouvé dans une famille qui baignait dans le Qadar, l'innovation du Qadar, et il s'est retrouvé entouré par ses oncles maternels qui étaient baignés dans l'Irja. Et il a raconté comment il en a été sauvé. Et il a dit, Allah m'en a alors sauvé, car c'est Allah qui sauve et qui guide. Mais il y a des causes. Et il relève de la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait qu'il ait lié les choses à leur cause, qui permettent d'y parvenir. Yusuf ibn al-Asbat a dit, Allah m'en a alors sauvé, par le biais de Soufiane al-Thawri. Soufiane al-Thawri, parmi les grands ulama de la sunna, parmi les plus prédécesseurs de cette communauté. Yusuf ibn al-Asbat, il a donc été sauvé par permission d'Allah tabaraka wa ta'ala, par la cause et le biais de Soufiane al-Thawri. De même qu'Abu Daoud, rahimahullah ta'ala, fut préservé par Allah. Ne l'oublie jamais. C'est Allah qui guide et c'est Allah qui égare. Mais il y a des causes qui mènent à la guider et des causes qui mènent à l'égarement. Donc il fut préservé par Allah du fait qu'il resta fidèle à l'imam Ahmed ibn Hanbal. Et c'est là quelque chose d'important, la fidélité aux ambassadeurs de la sunna, la fidélité aux ulama de la sunna. Tu veux être guidé? Cherche à connaître la sunna. Tu veux connaître la sunna? Cherche à connaître ses ambassadeurs. Ces ulama qui ont sacrifié leur vie et qui portent à bout de bras la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et qui n'attendent de toi ni récompense ni reconnaissance, et qui recherchent uniquement l'agrément d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et c'est d'ailleurs dans ce sens-là, dans le sens de ce que nous venons de mentionner, de cette réalité que nous devons garder à l'esprit sans cesse, que fut rapportée des salafs une parole très importante à écrire en lettres d'or, comme on dit, disant que lorsque Allah veut du bien aux non-arabes, lorsqu'il embrasse l'islam ou aux jeunes, il lui permet de côtoyer un adepte de la sunna. Et c'est donc là une cause, une grande cause de salut, et l'histoire en témoigne. Il y a d'autres enseignements à tirer de la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Cramponnez-vous donc à ma sunna et à la sunna des califes bien guidés. Mordez-la à pleines dents. Notamment, un enseignement relatif au comportement que doivent adopter les adeptes de la sunna lorsque survient une divergence après qu'ils aient été unanimes. Comme l'expliquent les ulama, à la lumière de ce hadith rapporté par Al-Irbad ibn Sariya, radiyallahu anhu, lorsque la divergence survient, après l'unanimité, ils doivent chercher à revenir à ce sur quoi ils étaient unanimes, à savoir la conformité à la sunna. Et cela est à plus forte raison valable à notre époque. Époque où bon nombre de gens se réclament de la sunna, se réclament de la salafia, tout en cherchant à diffuser des causes de divergence. Un tel se distingue des autres, dans des sujets liés au gouverneur, l'autre dans des sujets liés à la foi, l'iman, d'autres dans des sujets liés à la mécréance, le kufr, ou d'autres dans nos comportements à adopter avec les innovateurs et ainsi de suite. Chacun y venant, chacun se présentant avec sa compréhension, sa conception, sa vision des choses. Il est donc impératif de savoir comment agir. Car ces conceptions-là, qui sont étrangères bien souvent à la sunna, sont des causes de divergence. C'est le cas également d'une question qui est beaucoup soulevée actuellement et que l'on utilisera et que l'on mentionnera en guise d'exemple, celui de l'excuse par l'ignorance. On ne va pas rentrer dans les détails, mais juste soulever un point. Tu trouves certaines personnes qui viennent et qui considèrent qu'il n'y a pas d'excuse par l'ignorance dans les sujets relatifs à la croyance. Et d'autres qui viennent et qui disent qu'il y a la possibilité que celui qui commet une erreur dans la croyance soit excusé si jamais il l'a fait par ignorance. Et tu trouves que depuis quelque temps, certains en viennent à traiter d'égaré le parti opposé. Et tu trouves que certaines personnes, donc, ils considèrent qu'il n'y a pas d'excuse envisageable par l'ignorance dans les sujets relatifs à la croyance, et ils vont dire à partir de là que celui qui excuse par l'ignorance est un mourdi. Et tu vas trouver les autres qui disent que l'excuse par l'ignorance est envisageable en matière de croyance, traiter ceux qui viennent s'opposer à eux d'être tombés dans le takfir. Donc tu as ici une divergence qui est survenue. Quel est le comportement que doit adopter ici l'adepte de la sunna à la lumière de la recommandation prophétique lorsqu'il a dit « Car celui qui vivra parmi vous verra beaucoup de divergences. Cramponnez-vous donc à ma sunna et à la sunna des califes, bien guidés. Mordez-la à pleines dents. » Il se doit de s'arrêter, de prendre du recul et de chercher, en revenant au ulama, à savoir sur quoi étaient les adeptes de la sunna dans leur cramponnement à la sunna avant que ne survienne cette divergence. Il se rendra compte que les ulama de la sunna, avant que ne survienne cette divergence-là qui a été menée par des gens aux intentions mauvaises, eh bien en vérité, ils étaient dans une situation donc de l'acceptation de la divergence. Et tu trouvais que celui qui excuse par l'ignorance, il ne considérait pas égaré celui qui n'excuse pas. Et celui qui n'excuse pas, il ne considérait pas égaré celui qui excuse, comme en témoigne bon nombre de récits relatés de la part des ulama de la sunna. Et ce sujet-là, il a été amené afin de diviser les gens de la sunna et les adeptes de la sunna. Ils doivent savoir comment réagir face à ce genre de situation. Après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait dit « Cramponnez-vous donc à ma sunna et à la sunna des califes bien guidés, mordez-la à pleines dents », il a dit « Et méfiez-vous des choses nouvellement inventées en religion. » Al-muhdathat. Car toute chose nouvellement inventée en religion est une innovation. Bid'a. Et toute innovation est un égarement. Balala. C'est donc là un autre point que nous devons mentionner ici. Et en guise d'introduction, il est important de rappeler et d'exposer que la religion de l'islam est une religion qui est complète et qui est parachevée. Peu de temps avant la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que ce dernier sallallahu alayhi wa sallam accomplissait le pèlerinage d'adieu, Allah lui a révélé le verset suivant: Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et vous ai comblé de mon bienfait et agréé pour vous l'islam comme religion. L'imam Muslim rahimahullah a rapporté dans son recueil authentique d'après Jabir ibn Abdullah que durant ce même pèlerinage, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adressa à ses compagnons radiallahu anhum, en leur disant, je vous ai laissé ce avec quoi vous ne vous égarerez jamais si vous vous y cramponnez, le livre d'Allah, et vous serez questionné à mon sujet. Que répondrez-vous donc? Ils ont répondu à cette question-là de la manière suivante, en disant, nous attestons que tu as transmis, que tu t'es acquitté et que tu as conseillé de manière loyale. Il leva alors son index vers le ciel en le dirigeant ensuite vers les gens en disant, oh Allah sois témoin. Et il a répété ce geste-là et cette parole à trois reprises. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a donc pas laissé de bien sans l'avoir indiqué à sa communauté, ni de mal sans l'avoir averti à son sujet. En effet, l'imam muslim rahimahullah ta'ala a rapporté dans ce recueil authentique d'après Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah n'a suscité, sans, n'a envoyé aucun prophète sans qu'il ne lui incombe, sans qu'il ne lui soit obligatoire d'indiquer à sa communauté ce qui constitue un bien pour elle et de la mettre en garde du mal qui la menace. Du fait que cette religion est complète et parachevée, comme on vient de l'exposer, cette religion n'accepte aucun ajout, aucune diminution et aucune modification. Elle n'accepte donc pas qu'on y innove quoi que ce soit. Et c'est d'ailleurs pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fermement condamné l'innovation en religion. Qu'est-ce donc que l'innovation? Al-bid'a. L'imam al-Shatibi, rahimahullah ta'ala, l'a expliqué en disant que c'est une voie inventée par laquelle la voie de la sharia est concurrencée et par laquelle celui qui l'emprunte cherche à dépasser les limites dans l'adoration d'Allah. Je répète donc la définition de l'imam al-Shatibi, rahimahullah, c'est une voie inventée par laquelle la voie de la sharia est concurrencée et par laquelle celui qui l'emprunte cherche à dépasser les limites dans l'adoration d'Allah. C'est donc quelque chose de très grave, car le fait d'innover dans la religion implique, que la personne s'en rende compte ou non, d'avoir la conviction que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait trahi la mission qui lui avait été attribuée. C'est pour cela que l'imam Malik rahimahullah ta'ala disait, imam Malik, na'am, et cette mosquée porte son nom, c'est la mosquée de l'imam Malik ibn Anas, l'imam de la demeure de la Hijra rahimahullah ta'ala, na'am, Malik ibn Anas, qui compte parmi les quatre grands imams avec Abu Hanifa, l'imam Shafi'i qui était l'élève de l'imam Malik, et l'imam Ahmed ibn Hanbal qui était l'imam qui était l'élève de l'imam Shafi'i. Donc l'imam Malik ibn Anas, qu'est-ce qu'il a dit? Quiconque amène dans la religion une innovation et la considère comme bonne a certes prétendu en vérité que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a trahi le message qui lui a été ordonné de transmettre. Et ce car Allah tabaraka wa ta'ala a dit, اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Aujourd'hui j'ai parachevé pour votre religion et vous ai comblé de mon bienfait et agréé pour vous l'islam comme religion. Suite à cela, l'imam Malik rahimahullah ta'ala disait, ceux qui ne faisaient donc pas partie de la religion ce jour-là, c'est-à-dire le jour où ce verset a été révélé, n'en fera pas partie aujourd'hui. Et si l'imam Malik affirmait cela au deuxième siècle de l'Hégire, qu'en est-il à notre époque, au XVe siècle? À plus forte raison, ceux qui ne faisaient pas partie de la religion, ce jour-là, le jour où ce verset de la Surat al-Ma'ida à la table servie a été révélé, n'en fera pas partie aujourd'hui. Ibn Battah, rahimahullah ta'ala, a recueilli dans son célèbre livre intitulé Al-Ibana al-Kubra une parole d'Ibn Omar, radiyallahu anhuma. Quand on dit Ibn Omar, on dit radiyallahu anhuma, qu'Allah les agrée, en visant Ibn Omar et son père, qui se nommait Omar Ibn al-Khattab, radiyallahu anhu. Donc Ibn Omar, il a dit, toute innovation est un égarement. même si les gens la considèrent bonne. Donc tu vois ici, na'am, la concordance entre les propos de l'imam Malik rahimahullah ta'ala et ceux d'Ibn Omar. Et tout cela est en accord avec les enseignements du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est du fait de la gravité de l'innovation en religion que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avertissait souvent contre elle avant même qu'elle ne survienne. Ça, c'est un point que nous devons méditer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a insisté sur la gravité de l'innovation alors qu'elle n'avait pas encore vu le jour. Et il le répétait souvent dans ses sermons. Amma ba'd. إن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ceci dit, le meilleur des discours c'est la parole d'Allah, la meilleure des voix c'est celle de Muhammad صلى الله عليه وسلم, et les pires des choses sont celles nouvellement inventées en religion. Toute chose nouvellement inventée en religion étant une innovation, et toute innovation étant un égarement. Et également dans cette recommandation relatée par Al-Irbad ibn Sariya. Et rends-toi compte qu'il insistait sur cela à de nombreuses reprises, alors que l'innovation n'avait pas encore vu le jour. Et lorsque l'odeur de l'innovation a commencé à se faire sentir, l'odeur du rajout a commencé à se faire sentir chez certains des contemporains du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lorsque certains de ses nobles compagnons radiallahu anhum ont dit, ils étaient plusieurs, il y en a un qui a dit, ils sont allés se renseigner concernant la pratique du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il est chez lui, et c'est comme s'ils ont trouvé que ce n'était pas assez. Non pas parce qu'ils ont eu une mauvaise opinion du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. On ne peut pas se permettre d'affirmer cela concernant les compagnons du messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Mais plutôt, comme ils l'ont dit eux-mêmes, parce qu'ils ont dit, voilà le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ses péchés antérieurs et à venir lui ont été pardonnés, ce qui n'est pas notre cas. Et en se basant sur cela, il y en a un d'eux qui a dit, quant à moi, je vais jeûner tous les jours sans rompre. Il y en a un autre qui a dit, quant à moi, je vais prier la nuit sans dormir. Et il y en a un autre qui a dit, quant à moi, je ne vais plus me marier avec les femmes. Lorsque l'information est parvenue au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a réuni ses compagnons et il s'est adressé à eux, il a adressé les louanges à Allah tabaraka wa ta'ala, et il a fait ses éloges, et après cela il a dit, qu'en est-il de certaines personnes qui affirment telle, telle et telle chose, en faisant référence et allusion à ce que ces quelques compagnons, radiallahu anhum, qu'Allah les agrée, avaient dit. Et il a dit, quant à moi, je jeûne et je romps, je prie la nuit et je dors, et je me marie avec les femmes. Et il a conclu en disant, quant à celui qui se détourne de ma sunna, alors il ne fait pas partie des miens. Regarde ici la fermeté, alors que ses compagnons n'ont voulu que le bien. Ce qui te montre ici la gravité de l'innovation. Également dans le hadith al-Irbad al-Nasariya, ainsi que dans les sermons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné, on remarque qu'il a dit, cramponnez-vous donc à ma sunna et à la sunna des califs, viens guider après moi. Et dans les sermons il disait, le meilleur des discours c'est la parole d'Allah et la meilleure des voix c'est celle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Suite à cela il disait, quant au pire des choses, ce sont celles qui sont nouvellement inventées en religion. Toute chose nouvellement inventée en religion est une innovation, et toute innovation est un égarement. Il répétait donc ces trois phrases afin d'insister sur cela, ce qui te montre qu'il insistait plus sur la gravité de l'innovation que sur l'ordre qu'il donnait de suivre la sunna. Pourquoi? Car le fait de suivre la sunna, c'est quelque chose qui est censé être clair dans l'esprit de tout musulman qui recherche l'agrément d'Allah tabaraka wa ta'ala. Alors que l'innovation, c'est quelque chose qui est pernicieux, qui est subtil, et qui peut se présenter à la personne qui recherche le bien. Et c'est quelque chose de dangereux, c'est quelque chose qui commence comme étant quelque chose d'infime. Et celui qui l'accomplit, il pense se rapprocher d'Allah, tabaraka wa ta'ala, et ne voit donc pas le mal résidant dans son acte. Et vous connaissez certainement un récit très important dans lequel nous retrouvons Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu. Et je vais essayer de vous le résumer en demandant à Allah tabaraka wa ta'ala l'aide et l'assistance. Une personne à l'époque de Abdullah ibn Mas'ud s'est présentée à la mosquée et a trouvé des gens qui s'étaient réunis en cercle avec une personne qui les dirigeait et qui leur ordonnait donc de faire le takbir, c'est-à-dire le fait de dire Allahu Akbar un nombre déterminé de fois, ainsi que al-tahlil, le fait de dire la ilaha illallah un nombre déterminé de fois, ainsi que al-tahmid, le fait de dire alhamdulillah un nombre déterminé de fois, ainsi que al-tasbih, le fait de dire subhanallah un nombre déterminé de fois. Et il comptait le nombre de fois qu'il disait ces formules de rappel et d'évocation d'Allah tabaraka wa ta'ala avec des petites pierres qu'il jetait afin de compter cela. Et la personne qui a vu ça, elle a été surprise et elle a réprouvé cette chose-là, mais elle n'a pas voulu se prononcer avant d'en revenir à Abdullah ibn Mas'ud. Elle est donc allée le chercher, radiallahu anhu, et lui a expliqué ce qu'elle avait vu. Et Ibn Mas'ud lui a dit, pourquoi tu ne les as pas réprimandés? Ibn Mas'ud s'est présenté à eux et il les a fermement blâmés en leur rappelant que les effets personnels du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam étaient encore intacts, que ses vêtements n'étaient pas encore usés et que les ustensiles qu'il utilisait chez lui n'étaient pas encore cassés et que ses compagnons radiallahu anhum étaient encore présents parmi eux. Et il leur a donc dit, soit vous les avez devancés, soit vous êtes en train d'ouvrir une porte de l'égarement. Regarde donc ici la fermeté d'Ibn Mas'ud face à cet acte-là, alors que certaines personnes pourraient se dire, mais c'est quelque chose d'infime. Ils n'ont fait que le bien. Ils faisaient du dhikr, de l'évocation d'Allah. Et ils s'entraidaient dans cela. Et c'est d'ailleurs ce qu'ils ont répondu. Un d'entre eux a dit à Ibn Mas'ud en guise de réponse, par Allah, Ya Aba Abdurrahman, c'était la kunya d'Ibn Mas'ud, nous n'avons voulu que le bien. Et Ibn Mas'ud a alors répondu avec beaucoup de répartie en disant, et combien de gens recherchent le bien mais ne l'atteignent jamais? Celui qui rapporte cette parole-là ou ce récit, il a dit, j'atteste que ces gens-là, par la suite, se sont retrouvés dans les rangs des Khawarij, qui se sont soulevés contre les musulmans et les ont combattus. L'imam al-Barbahari, rahimahullah ta'ala, il a tiré comme enseignement de cela que l'innovation, elle commence comme étant quelque chose d'infime, qui ressemble à la vérité, qui a l'apparence de la vérité, le goût de la vérité, l'odeur de la vérité, et qui termine comme étant quelque chose d'énorme. C'est pour cela qu'il faut s'en méfier, et c'est pour cela que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam insistait énormément sur la gravité de l'innovation avant même qu'elle ne survienne dans sa communauté sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons vu qu'il n'y a pas de bonne innovation en religion, ce que certains appellent donc des bid'ah hasana. Il n'y a pas de bid'ah hasana en religion. Vous avez entendu la parole d'Ibn Amr, vous avez entendu la parole de l'imam Malik, rahimahullah, et vous vous êtes rendu compte que ces paroles-là sont en conformité avec les enseignements du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith al-Irbad ibn Sariya? Naam. وإياكم ومحدثات الأمور. Et méfiez-vous des choses nouvellement inventées en religion. Qu'est-ce qu'il a dit après? Car toute chose nouvellement inventée en religion est une innovation. Donc il a utilisé le terme kull. Ce terme-là, il indique la généralité. On l'a traduit ici par tout. En disant toute chose nouvellement inventée. Ça signifie la généralité. Et cette généralité, elle n'accepte aucune exception. Donc lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit toute chose nouvellement inventée en religion est une innovation et toute innovation est un égarement, naam, c'est une généralité qui n'accepte aucune exception. Il n'y a donc pas de bonne innovation dans la religion. Certaines personnes ont cherché à remettre en question cela en se basant sur des arguments qui en vérité n'en sont pas. Et retenez cette parole et cet enseignement donné par le cheikh de l'islam Taqiyuddin Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, lorsqu'il disait qu'il n'y a pas un texte qui est utilisé par les gens du faux afin de soutenir le faux dans lequel ils sont sans que ce texte là en vérité soit un argument contre eux. C'est là une règle générale. C'est d'ailleurs pour cela qu'Ibn Taymiyyah, il avait comme ligne de conduite dans ses répliques, qu'il adressait aux gens du faux, aux gens de l'innovation, de prouver que les arguments qu'ils utilisent sont en vérité des arguments qui sont contre eux. Parmi les arguments utilisés, un hadith qui est authentique, qui est rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala, d'après Jarir ibn Abdillah, radiallahu anhu, qui rapporte que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: celui qui instaure en islam une bonne sunna, a sa récompense et celle de tous ceux qui agissent selon elle après lui, sans que cela ne diminue rien de leur propre récompense. De même que celui qui institue en islam une mauvaise sunna en supporte le péché, ainsi que celui de tous ceux qui agissent après lui, selon cette sunna, sans rien diminuer de leur propre péché. Ces gens-là, donc, ils ont utilisé ce hadith afin de dire qu'il peut y avoir donc de bonnes innovations en religion. On répond à cette argumentation erronée en resituant le hadith dans son contexte. Il faut savoir que le contexte de ce hadith que nous retrouvons dans la transmission présente dans le recueil même de l'imam Muslim rahimahullah ta'ala, c'est que des personnes pauvres se sont présentées au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui était originaire de Mudar, une tribu yéménite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été très affecté par le fait de voir ces musulmans dans un tel état de pauvreté et d'indigence. Et il a donc, s'est donc adressé à ses compagnons en les incitant à dépenser pour la face d'Allah tabaraka wa ta'ala afin d'aider ces pauvres-là. Et c'est ce qu'ils ont fait, étant donné que les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam étaient promptes à obéir à Allah subhanahu wa ta'ala et à son messager, ils se sont exécutés sur le champ, sans réfléchir. Ils ont donc donné de leurs biens et de leurs richesses, chacun selon ses possibilités, à tel point que de nombreux biens ont été réunis et qu'ils ont été donnés donc à ces pauvres et indigents, ce qui a provoqué la joie et la satisfaction du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Suite à cela, il a déclaré ce que vous avez entendu: celui qui instaure en islam une bonne sunna a sa récompense et celle de tous ceux qui agissent selon elle après lui, sans que cela ne diminue rien de leur propre récompense. Et ainsi de suite, jusqu'à la fin du hadith que j'ai mentionné précédemment. Premièrement, tu te rends compte que cette chose-là, elle vise le fait de devancer dans le bien. Car le fait de dépenser pour la cause d'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est quelque chose qui n'était pas nouveau. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui a incité à le faire. Donc, celui qui était visé, donc qui a commencé à dépenser de ses biens pour la cause d'Allah tabaraka wa ta'ala afin d'aider ces pauvres-là, en vérité, il n'a rien apporté de lui-même. Il n'a fait qu'exécuter un ordre du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il a donc mis en application la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est d'ailleurs pour cela que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui instaure en islam une bonne sunna. Il a dit une bonne sunna, comment quelqu'un peut venir et il dit que ça c'est une preuve qui légitime le fait d'affirmer et de prétendre qu'il y ait de bonnes bid'a, alors que le terme utilisé c'est la sunna qui est l'opposé de la bid'a. Naam, donc cet argument en vérité c'est un argument qui va à l'encontre du fait d'affirmer qu'il y ait de bonnes innovations en religion. Parmi les arguments avancés également par ceux qui prétendent qu'il y aurait de bonnes innovations en religion, la célèbre parole de Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, qui, lors de son califat, donc après la mort du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, après la mort de Abu Bakr al-Siddiq, radiallahu anhu, lors du califat de Omar, ce dernier a vu les musulmans prier en groupe la prière de la nuit au début, la prière du début de nuit pendant Ramadan. Et quand il les a vus, il a dit: quelle bonne innovation que cela. Donc certaines personnes ont dit: donc c'est une preuve qu'il y aurait de bonnes innovations en religion. Mais là aussi, en replaçant cette déclaration dans son contexte, on se rend compte que la prière de nuit en groupe pendant le Ramadan était connue au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dirigé au début de certaines nuits ses compagnons dans la prière de nuit de Ramadan. Et petit à petit, le nombre de compagnons qui souhaitaient prier derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé à augmenter. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a craint que de ce fait, étant donné que c'était encore une époque où la législation était effective, na'am, il a craint que cela soit rendu obligatoire par Allah tabaraka wa ta'ala et que par la suite les musulmans ne puissent pas le supporter. C'est pour cela qu'il s'est abstenu de se présenter à ses compagnons afin de les diriger dans la prière de nuit pendant Ramadan. Mais donc on trouve ici que cette pratique-là était effective du temps du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Suite à cela, un certain temps est passé, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est mort, Abu Bakr Siddiq lui a succédé, étant donné qu'il est le premier calife de l'islam, puis ça a été autour de Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Ce qui signifie qu'entre temps, la religion a été parachevée. Et vous avez entendu et vous connaissez au préalable la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala: al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion et vous ai comblé de mon bienfait et agréé pour vous l'islam comme religion. Ce verset a été révélé quelques mois avant la mort du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire après le fait que le prophète alayhi salatu wa salam se soit abstenu de se présenter à ses compagnons afin de les diriger dans la prière de nuit de Ramadan. Donc la religion a été parachevée. La crainte que cette prière de nuit en groupe, que l'on appelle Tarawih, soit rendue obligatoire par Allah tabaraka wa ta'ala a donc disparu. Et Omar ibn al-Khattab a donc approuvé cela. Lorsqu'il a dit quelle bonne innovation que cela, il ne vise donc pas l'innovation dans le sens religieux du terme. Il vise ici l'innovation dans le sens linguistique. Dans le sens que cette pratique-là n'était pas connue des musulmans depuis la mort du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, étant donné qu'elle avait été relativement ou quelque peu mise de côté. Donc c'est une innovation dans le sens linguistique, mais pas une innovation dans le sens religieux du terme, comme nous l'avons défini précédemment en faisant mention de la parole de l'imam Shatibi, qui a dit que l'innovation, dans son sens religieux, c'est une voie inventée par laquelle la voie de la charia est concurrencée et par laquelle celui qui l'emprunte cherche à dépasser les limites dans l'adoration d'Allah. Donc c'était là une innovation, c'est-à-dire quelque chose de nouveau aux yeux des gens, mais pas au regard de la religion. Donc cette déclaration de Omar ibn al-Khattab n'est en rien une preuve qu'il puisse y avoir dans la religion une innovation qui soit bonne. De plus, même si cela n'avait pas été présent à l'époque du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, cela aurait relevé de la sunna de Omar. Et vous avez entendu dans le hadith al-Arba'a ibn al-Sariya que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Cramponnez-vous donc à ma sunna et à la sunna de qui? Des califes bien guidés. Qui c'est qui peut nous rappeler qui sont les califes bien guidés? Naam? Le frère il a levé le doigt, on lui donne la priorité. Naam? Abu Bakr, Omar, Othman et Ali. Donc Omar ibn Khattab fait partie de ces califes qui sont visés. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a ordonné, Naam, de nous cramponner à sa sunna. Donc même si cela n'avait pas été précédent, n'avait pas précédé, eh bien le fait d'accomplir cela ferait partie de la sunna, dans le sens que la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et de ses califes bien guidés ne font qu'une. Et comme le disaient les ulama, il est inconcevable que les califes bien guidés viennent avec quelque chose qui n'est pas une base dans la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il y a un autre point qu'il est important d'aborder, et il est possible que on termine par ça. Naam. C'est le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde contre les dangers de l'innovation. On a abordé cela et on a essayé de le développer quelque peu. Il faut savoir que cette mise en garde là, elle contient également la mise en garde contre les innovateurs, la mise en garde contre les innovations et la mise en garde contre les innovateurs. Car il faut savoir que les innovations, ce ne sont pas des choses comme ça qui se déplacent, qui ont des jambes, Naam, et qui se déplacent comme ça et qui marchent, et qui viennent se déplacer d'une personne à une autre. Naam. Et une innovation, ce n'est pas quelque chose qui vient et qui se présente aux gens en essayant elles-mêmes de les convaincre. Forcément, il y a des gens qui se chargent de cela, qu'Allah nous préserve de leurs mots. Et donc, le fait que le prophète, alayhi salatu wassalam, ait mis en garde contre les innovations de ce hadith, ça contient nécessairement le fait de mettre en garde contre les innovateurs, c'est-à-dire contre les adeptes de ces innovations-là. On retrouve, de manière plus formelle et plus explicite, cette mise en garde dans d'autres textes de la sunna. Notamment, ce que l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala, a recueilli dans son recueil de hadiths authentiques. Naam, comme hadith rapporté par Aïcha radiallahu anha, qui a dit qu'un jour le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a récité, donc il a récité à son épouse, la mère des croyants radiallahu anha, le verset de la sourate Al-Imran, dans lequel Allah tabaraka wa ta'ala dit: Huwa alladhi anzala alayka al-kitab minhu ayatun muhkamat hunna umul kitab وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. C'est lui qui a fait descendre sur toi le livre. C'est lui, c'est-à-dire c'est Allah qui a fait descendre sur toi, ô Muhammad, le livre. Il s'y trouve des versets sans équivoque, qui sont la base fondamentale du livre, et d'autres versets qui peuvent prêter à équivoque. Les gens donc qui ont au cœur une inclinaison vers l'égarement mettent l'accent sur les versets équivoques, cherchant par là la dissension et à mal les interpréter. Alors que nul n'en connaît le sens à part Allah et ceux qui sont enracinés dans la science. Ces derniers disent, nous y croyons, tout est de la part de notre Seigneur, mais seuls les doués d'intelligence s'en rappellent. Après avoir récité à son épouse ce verset, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, lorsque vous verrez ceux qui suivent, ceux qui prêtent à équivoque, alors sachez que ce sont ceux qu'Allah a ici nommés, méfiez-vous donc d'eux. C'est donc ici une mise en garde de ces gens-là qui suivent ceux qui prêtent à équivoque et qui font la promotion et cherchent à diffuser cela, et ainsi que les innovations au sein des rangs de la communauté. L'imam Muslim rahimahullah ta'ala a également rapporté dans l'introduction de son recueil authentique un hadith rapporté par Abu Huraira radiallahu anhu, qui a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, se présentera à vous à la fin des temps des gens avec des choses que ni vous ni vos ancêtres n'avaient entendues. Méfiez-vous donc d'eux, ne les laissez pas vous égarer et ne les laissez pas vous troubler. Donc ici tu retrouves la mise en garde formelle visant les adeptes de l'innovation. À partir de là, il n'est pas correct de dire, contente-toi de mettre en garde contre l'innovation et ne mentionne pas l'innovateur. Il est vrai qu'à la base tu te dois de t'abstenir de mentionner les noms. Quand tu mets en garde contre quelque chose, tout à l'heure on a abordé le hadith des trois compagnons qui s'étaient renseignés à propos de la pratique du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et qui suite à cela ont dit, quant à moi, donc un d'entre eux a dit, quant à moi, je vais jeûner tous les jours sans rompre. L'autre a dit, quant à moi, je vais prier la nuit sans me reposer. Et l'autre, il a dit, quant à moi, je ne vais plus me marier avec les femmes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque cela lui est parvenu, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'en est-il de gens qui disent telle ou telle parole? Il n'a pas cité les noms. Naam. Car ici, il n'y avait pas d'intérêt à le faire. Par contre, si un intérêt se fait ressentir, il n'y a pas de mal et ça peut même être obligatoire de mentionner les noms. Et de mettre en garde contre les innovateurs en les citant explicitement. Et c'est d'ailleurs ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait. Mais ceux qui prétendent que tu te dois uniquement, et en vérité tu te rends compte que ceux qui te disent mets en garde uniquement contre les innovations, mais ne mentionne pas les innovateurs, tu te rends compte que dans la pratique, même les innovations en vérité, soit ils sont laxistes dans le fait de les dénoncer, soit ils ne les dénoncent pas. Donc, ces gens-là, ils ont, comme on l'a dit tout à l'heure, un regard de borgne dans les textes. Et celui qui cherche à réunir les textes, il se rend compte que la même personne, c'est-à-dire le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui, à la base, ne mentionnait pas les noms, na'am, quand il disait qu'en est-il de telle ou telle personne qui disent telle ou telle chose, c'est le même qui, dans d'autres contextes, lorsque le besoin s'en faisait ressentir, mentionnait les noms. Lorsqu'il était chez lui, et qu'une personne s'est présentée, et qu'il était accompagné, et que son épouse, Aïcha radiallahu anha, était présente, cette personne s'est présentée, le prophète, alayhi salatu wa salam, a dit, et cette personne s'est présentée et a demandé l'autorisation d'entrer. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, faites-le entrer. Mais quel mauvais fils de tribu! Et lorsqu'il s'est présenté à lui, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a quelque peu souri. Aïcha radiallahu anha a été surprise par ce comportement. Et elle a signalé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle lui a dit, tu as dit ce que tu as dit le concernant en le critiquant. Puis quand il s'est présenté à toi, tu lui as souri. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu, M'as-tu déjà connu comme quelqu'un de grossier? Sache que parmi les pires gens en termes de place auprès d'Allah, ce sont ceux que les gens ont délaissés par crainte de leurs méfaits et de leurs préjudices. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici, afin de prévenir contre le mauvais comportement de cette personne-là, il l'a cité sans cacher son identité. Donc lorsque le besoin s'en fait ressentir, il est permis, voire obligatoire, de mentionner les noms. Donc il n'y a pas de mal à mettre en garde contre les innovateurs, contrairement à ce que certaines personnes disent, mets en garde uniquement contre les innovations et abstiens-toi de mentionner les innovateurs. C'est là quelque chose qui n'est pas correct et qui n'est pas en accord avec la voix du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Après avoir abordé cela, ces quelques points relatifs à l'explication de ce hadith grandiose rapporté par Al-Irbad ibn Sariyah, je terminerai en mentionnant des recommandations importantes données par l'imam Al-Awza'i, recueillies entre autres par l'imam Al-Ajurri dans son livre Al-Sharia. L'imam Al-Awza'i a dit: endure sur le chemin de la sunna et arrête-toi là où se sont arrêtés ceux qui t'ont précédé, et prononce-toi par ce qu'ils se sont prononcés, et abstiens-toi dans ce dans quoi ils se sont abstenus, et emprunte le chemin de tes pieux prédécesseurs, car ce qui leur convenait te convient également. Une autre parole, notre recommandation qu'il a donnée est très importante, que nous devons assimiler et prendre en considération. Le fait qu'il ait dit: suis les traces des salafs, même si les gens te rejettent, et méfie-toi des avis des hommes, et ce même s'ils te les embellissent par la parole, car l'affaire s'éclaircira forcément un jour ou l'autre, et tu seras sur une voie de droiture. Et je m'en tiendrai à cela en demandant à Allah tabaraka wa ta'ala de nous préserver, de nous affermir, de nous faciliter l'apprentissage de sa religion ainsi que sa mise en pratique. Demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous pardonner nos manquements, nos péchés, qu'ils soient apparents ou qu'ils soient plus subtils, qu'ils soient faits en public ou en privé. Je demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous faire miséricorde, de guérir ceux d'entre nous qui sont malades. Je demande à Allah tabaraka wa ta'ala de secourir nos frères et sœurs qui sont oppressés partout dans le monde, qu'il les préserve et qu'il les secoure en Palestine, en Syrie, en Birmanie et dans l'ensemble de la planète, qu'il les secoure contre ceux qui les oppressent. Je demande à Allah tabaraka wa ta'ala d'aider et d'assister les dirigeants musulmans et de leur accorder des entourages pieux, loyaux, qui les orientent vers le bien et la guider. Et je demande à Allah tabaraka wa ta'ala de préserver les dirigeants musulmans des maux de leurs ennemis parmi les mécréants, les polythéistes, les athées, les laïcs, les innovateurs. Je demande à Allah tabaraka wa ta'ala de préserver les dirigeants musulmans ainsi que l'ensemble des musulmans des maux des khawarij, des maux des rawafid, des ikhwan al-muslimoun. Demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous unir sur la vérité, de faire de nous des frères qui s'aiment pour sa cause. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Allah subhanahu wa ta'ala récompense notre frère Abdelrahman et que Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait de lui et qu'il le compte son bienfait et qu'il le fasse sortir ainsi que vous tous, ainsi que sa petite famille, sa mère, sa femme et sa petite fille, qu'il nous fasse tous sortir de ce pays sain et sauf. Amin, amin, amin. Et que Allah subhanahu wa ta'ala vous préserve tous. Et la suite du programme sera tout à l'heure, Inch'Allah, Cheikh Abdelhadi, il est sur la route, il est presque arrivé, donc il sera là il fera le cours et en même temps, hein, on lui posera des questions et le cours sera traduit. Hein? Et donc, vous avez la possibilité de rester à l'intérieur de la mosquée, de sortir comme vous voulez, Inch'Allah. Et en tout cas, le cours continuera après Salat al-Maghrib, barakallahu fikoum. Je demande aux frères qui sont venus voir, qui m'ont dit qu'ils sont de Grenoble, et tous les frères qui sont loin, lève-toi Rachid, lève-toi Rachid. Tous les frères qui sont loin, qui ne vont pas prendre la route de venir voir Rachid, barakallahu fikoum, comme ça on organise leur. Là où vous allez dormir, Inch'Allah. Barakallahu fikoum. Jazakallahu khairan.